Détermine la formule 2 pour s'exprimer, ou interpénétration d'une forme par l'autre. Silence du corps et mélodie des vides. Les formules sont inégales, ce qui fait que les silences sont de longueur variable. Une fois les 12 notes passées, on peut recommencer.